L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les physiciens japonais ont pour projet de construire un détecteur de neutrinos gigantesque, de plus d'un million de tonnes. Ce futur détecteur s'appelle Hyper Kamiokande et prendrait la suite de l'actuel Super Kamiokande. Hyper Kamiokande, qu'on appelle déjà Hyper K, permettrait de détecter 20 fois plus de neutrinos que Super Kamiokande, dans la même durée. Ou le même nombre, mais 20 fois plus vite, si vous préférez. Faire en 5 ans ce que Super Kamiokande aurait pu faire en un siècle. Hyper K serait constitué de deux énormes réservoirs d'eau ultra pure de 250 mètres de long. Il permettrait non seulement de détecter les neutrinos en provenance du ciel, les neutrinos solaires ou neutrinos astrophysiques des supernovas ou d'ailleurs, ainsi que des neutrinos atmosphériques produits dans la haute atmosphère, mais aussi des neutrinos produits par l'homme envoyés dans ce méga détecteur par un faisceau d'un accélérateur de particules. L'un des challenges à accomplir pour disposer d'un tel instrument unique en son genre sera de réunir la bagatelle de 800 millions de dollars. C'est notamment dans cet objectif que des physiciens de 13 pays se sont réunis le week-end dernier pour lancer ce qui ressemble à une proto-collaboration à même de s'adresser d'un seul nom aux diverses agences de financement de la recherche. L'affaire est loin d'être gagnée, car il y aura de la concurrence. D'un côté, certains physiciens japonais souhaitent installer au Japon le plus grand collisionneur de particules, électrons-positrons, l'International Linear Collider. Et de l'autre, les Américains ont un autre projet de détecteur géant de neutrinos. L'aventure japonaise des neutrinos a commencé il y a maintenant 30 ans avec l'expérience Kamiokande, qui signifie Kamiokan Nucleon Decay Experiment, qui démontra qu'il était possible de déterminer l'énergie et la direction de trois types de neutrinos différents. Les neutrinos du Soleil, ceux provenant d'une supernova, et ceux produits dans l'atmosphère par interaction de rayons cosmiques. Ces recherches valurent d'ailleurs à son responsable scientifique, Masatoshi Koshiba, le prix Nobel de physique en 2002. On se souvient notamment de la détection, le 23 février 1987, par Kamiokande, d'une poignée de neutrinos provenant de la fameuse supernova du grand nuage de Magellan, SN 1987. Puis, dans les années 90, Kamiokande est devenu Super Kamiokande, Super K, et a permis de démontrer que les neutrinos avaient bien une masse. L'objectif de l'évolution de Super K en Hyper K serait d'aller explorer encore davantage les propriétés des neutrinos. Le procédé physique utilisé resterait le même. Les neutrinos interagissent dans l'eau en créant indirectement de la lumière par effet Cherenkov. L'analyse de cette lumière permet ensuite de déterminer de nombreux paramètres, comme le type de neutrinos parmi les trois familles connues, l'énergie et leur direction d'incidence. Ces énormes réservoirs instrumentés de milliers de photomultiplicateurs sont enfouis par 1000 mètres de profondeur dans une ancienne mine, de manière à réduire les bruits de fond parasites. Kamiokande contenait 3000 tonnes d'eau et 1000 capteurs de lumière. Puis Super K, à partir de 1996, monta à 50 000 tonnes d'eau et 13 000 capteurs. Et Hyper K est prévu pour être formé de deux réservoirs contenant chacun 1 million de tonnes d'eau et 100 000 capteurs. Le nombre de personnels impliqués dans les projets grossit quasi proportionnellement. Alors qu'ils étaient une vingtaine, tous japonais, sur Kamiokande, Super K est composé de 120 scientifiques, pour moitié non japonais. Et Hyper K implique déjà près de 250 chercheurs et ingénieurs de plus de 60 laboratoires répartis dans le monde, alors qu'on n'en est qu'au stade du papier. L'une des particularités de Super K est qu'il permet d'étudier des neutrinos produits par un accélérateur de protons, le G-Park, Japan Proton Accelerator Research Complex, qui est situé à Tokai, à 295 km de là, et qui tire des neutrinos en direction de Super-K. Ce type de mesure permet d'étudier comment les neutrinos oscillent d'une saveur à une autre. Un neutrino électronique se transforme en neutrino muonique, ou toïque, et ou vice-versa. Eh bien, Hyper-K fera bien sûr le même type de mesure. Mais les physiciens de J-Park proposent en plus de multiplier par 3 l'intensité du faisceau de neutrinos à cette occasion. Mais c'est peut-être l'observation des neutrinos astrophysiques qui est la plus exaltante. Les chercheurs ont estimé que si une supernova explosait enfin, parce qu'on l'attend depuis 400 ans, dans notre galaxie, je précise, Hyper-K pourrait détecter 250 000 neutrinos en l'espace de 10 secondes, permettant des données fabuleuses pour comprendre ces explosions d'étoiles. Il existe une dernière cerise sur le gâteau. Et oui, Hyper-K est tellement massif avec ses millions de tonnes d'eau et possède tellement, et possédera tellement de photodétecteurs qu'il pourrait être sensible pour détecter la désintégration d'un seul proton. La désintégration du proton a été postulée, mais n'a encore jamais été observée. Si elle l'était, notre vision de l'univers futur en serait bouleversée. En attendant, la protocollaboration devrait rendre ses études de design à la fin de l'année, avec l'espoir de débuter une construction en 2018 pour une mise en service dès 2025. C'est demain. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez les yeux au ciel et les pieds sur terre. À très bientôt. www.ça-se-passe-là-haut.fr